Deuxième livre de Samuel, chapitre 2. Or il arriva après cela que David consultait l'Éternel, en disant, « Montrez-en quelqu'une des villes de Juda ?» Et l'Éternel lui répondit, « Monte. » Et David dit, « En laquelle montrai-je ? » Il répondit, « À Hébron. » David donc monta là avec ses deux femmes, Ahinoam qui était de Jizréel, et Abigail, qui avait été femme de Nabal, lequel était de Carmel. David fit remonter aussi les hommes qui étaient avec lui, chacun avec sa famille, et ils demeurèrent dans les villes d'Hébron. Et ceux de Juda vinrent, et oignirent la David pour roi sur la maison de Juda. Et on fit rapport à David, en disant, les hommes de Jabé de Gala ont enseveli Saül. Et David envoya des messagers vers les hommes de Jabé de Gala, et leur fit dire, béni soyez-vous de l'Éternel de ce que vous avez fait cette gratuité à Saül votre Seigneur, que de l'avoir enseveli. Que maintenant donc l'Éternel veuille user envers vous de gratuité, et de vérité, de ma part aussi je vous ferai du bien, parce que vous avez fait cela. Et que maintenant vos mains se fortifient, et soyez hommes de cœur, car Saül votre Seigneur est mort, et la maison de Juda m'a loin pour être roi sur eux. Mais Abné fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Isbosheth fils de Saül, et le fit passer à Mahanajim, et l'établit roi sur Galaa, et sur les Azuriens, et sur Jizréel, et sur Ephraïm, et sur Benjamin, même sur tout Israël. Isbosheth fils de Saül était âgé de 40 ans, quand il commença à régner sur Israël, et il régna 2 ans. Il n'y avait que la maison de Juda qui suivit David. Et le nombre des jours que David régna à Hébron sur la maison de Juda, fut de 7 ans et 6 mois. Or Abné fils de Ner, et les gens d'Isbosheth fils de Saül, sortirent de Mahanajim, vers Gabaon. Joab aussi fils de Tseruja, et les gens de David sortirent, et ils se rencontrèrent les uns les autres près de l'étang de Gabaon, et les uns se tenaient auprès de l'étang du côté de Dessa, et les autres auprès de l'étang du côté de Dela. Alors Abné dit à Joab, que quelques-uns de ces jeunes gens se lèvent maintenant, et qu'ils escarmouchent devant nous. Et Joab dit, qu'ils se lèvent. Ils se levèrent donc, et on en compta 12 de Benjamin pour le parti d'Isbosheth fils de Saül, et 12 des gens de David. Alors chacun d'eux empoignant son homme, lui passa son épée dans les flancs, et ils tombèrent tous ensemble, et ce lieu-là fut appelé El-Kathat-Surim, qui est en Gabaon. Et il y eut en ce jour-là un très rude combat, dans lequel Abné fut battu avec ceux d'Israël par les gens de David. Les trois fils de Tseruja, Joab, Abisaï, et Azaël étaient là. Et Azaël était léger du pied, comme un chevreuil qui est par les champs. Et Azaël poursuivit Abné, sans se détourner à droite ni à gauche d'après Abné. Abné donc regardant derrière soi, dit, « Es-tu Azaël ? » Et Azaël répondit, « Je le suis. » Et Abné lui dit, détourne-toi à droite ou à gauche, et saisis-toi de l'un de ces jeunes gens, et prends sa dépouille pour toi. Mais Azaël ne voulut point se détourner de lui. Et Abné continuait à dire à Azaël, détourne-toi de moi, pourquoi te jetterai-je mort par terre, et comment oserais-je paraître devant Joab ton frère? Mais il ne voulut jamais se détourner, et Abné le frappa de sa hallebarde à la 5e côte du bout de derrière, tellement que sa hallebarde lui sortait par derrière, et il tomba la ronde mort sur la place, et tous ceux qui venaient à l'endroit où Azaël était tombé mort, s'arrêtaient. Joab donc et Abisaï poursuivirent Abné, et le soleil se coucha quand ils arrivèrent au coteau d'Ama, qui est vis-à-vis de Guja, au chemin du désert de Gabaon. Et les enfants de Benjamin s'assemblèrent auprès d'Abné, se rangèrent en un bataillon, et se tinrent sur le sommet d'un coteau. Alors Abné cria à Joab, et dit, « L'épée dévorera-t-elle sans cesse, ne sais-tu pas bien que la mer tu mets à la fin, et jusqu'à quand différeras-tu de dire au peuple, qu'il cesse de poursuivre ses frères ?» Et Joab dit, « Dieu est vivant, que si tu avais parlé ainsi, le peuple se serait retiré dès le matin chacun arrière de son frère. » Joab donc sonna de la trompette, et tout le peuple s'arrêta, ils ne poursuivirent plus Israël, et ils ne continuèrent plus à se battre. Ainsi Abné et ses gens marchèrent, toute cette nuit-là par la campagne, traversèrent le Jourdain, passèrent par tout Bitron, et arrivèrent à Mahanajim. Joab aussi revint de la poursuite d'Abné, et quand il eut assemblé tout le peuple, on trouva qu'il en manquait 19 des gens de David, et Azaël. Mais les gens de David frappèrent de ceux de Benjamin, savoir des gens d'Abné, 360 hommes qui moururent. Et ils enlevèrent Azaël, et l'ensevelirent au sépulcre de son père, à Bethléem, et toute cette nuit-là Joab et ses gens, marchèrent et arrivèrent à Hébron sur le point du jour.